à l'amour, Gina, qui vient un jour, Gina. Mais cet amour, prends-le dans tes bras, de peur qu'il ne soit qu'un rêve. Si tu savais, Gina, le mal qu'il fait parfois, c'est quand tu crois l'avoir bien à toi qu'il n'est plus là. Quand parfois, Gina, je doute, j'entends mon cœur qui bat. Chaque fois, je sais la route qui me conduit jusqu'à toi. Pense à l'amour, Gina. Il vient un jour, Gina. Mais cet amour, prends-le dans tes bras. De peur qu'il ne soit qu'un rêve. C'est ça l'amour, Gina. Il vient et puis s'en va. Et quand tu crois qu'il est loin de toi, l'amour est là. Si tu savais, Gina, le mal qu'il fait parfois, et quand tu crois qu'il est loin de toi, il est.